J'aimerais qu'il finisse en momie, que plusieurs décennies m'étudient, comme aujourd'hui on le fait avec Nefertiti. Nefertiti avaler mes mots comme une salope avale mon sperme. La peine que le pen sème n'est plus une graine, mais un arbre analogique qui engendre la haine, même au-delà de la scène. What's a game? Je sais que ton jeu est de jouer avec le feu, te prendre pour un dieu. Sans cesse tu fais des aveux que t'aurais dû éviter de divulguer à la télé. Car mon armée, on est seul, attentat va t'exploser. Le troisième front en force contre le front. Monsieur Hermé, démettez mon escadron. Front contre front, national front versus le troisième front. Faut pas flairon, soldats font son sourcil s'effront. J'parle au bois et c'est franchement la troisième guerre se passe maintenant. Front contre front, national front versus le troisième front. Faut pas flairon, soldats font son sourcil s'effront. J'parle au bois et c'est front, la 98, la troisième guerre se passe maintenant. J'l'écris noir sur blanc, c'est blanc, ont les idées noires. À peine repentis, ils veulent répéter l'histoire. Youssouf vient diffuser une lueur d'espoir à tous les anti-FN, continuez de croire. BHLOIR sur le front, contre le F de la haine. Attaque de front le L, l'immigré tient les rênes. Pour qu'ils me prennent, sur mon front y'a pas écrit à traiter comme une chaîne. Ma tête est pleine d'idées noires à la chaîne. Faut qu'ils me craignent, en saison blanche, je les saigne. Faut qu'ils me craignent, quand je suis avec mes rois et mes reines. Héros prêts à verser son sang sans verser de l'âme. Regarde la couleur du sang, versé sur ma lame. Les hommes parlent comme des hommes, les bêtes comme des bêtes. Le discours est fait fait, c'est dans les écuries qu'il reste. Douce et la France, cher pays de ma souffrance. J'y souffre en silence, accusé délinquante. J'ai fait un rêve, comme Martin Luther King. Que la couleur ne soit plus signe, que tout passe par le feeling. Sur troisième ring, on rosse les gringos du front. On n'attend pas le troisième ring pour leur faire un affront. Front contre front, national front versus le troisième front. Faut pas flairon, soldats font son sourcil s'effront. J'parle au bois et c'est franchement la troisième guerre se passe maintenant. Front contre front, national front versus le troisième front. Faut pas flairon, soldats font son sourcil s'effront. J'parle au bois et c'est franc, 98, la troisième guerre se passe maintenant. Mais ils ne sont pas perdus, entend les bruits dans les rues mais si nos paroles. Une écoute en rôle, les chiens seront bien prévenus. Vision noire assez pour Chefal, chauffa quand je parle. Pour y croire la haine affame et soldats égarent les sens de l'histoire. Le troisième front, placé pour j'aime les oreilles des cons. Marre l'UFN, des esprits fascistes, trouillards. Mauvaise herbe bataillée pour planter d'autres graines plus tard. Crispé, maigret gêne, le pen traîne, la boule en graine. Le bois prend peur et peine, voici un négro qui dégaine. Le troisième front avec la rage et la hache. Faux, décapité, la tête déguise. Décaloté, Jean-Marie et Debré. Envoyé, la BAC ou le GIA. Rien à foutre, j'ai mon armée et mes soldats en croix. En Dja, la foi, il guide, mais pas vers un chemin plus fluide, moins speed, c'est ça. Front contre front, le troisième front, baisse le national, front lectionnaire fond, esclave de cette société de bouffons. À ta guise, choisis ton camp à 300%. Moi, je ne bouge qu'avec mes frères de sang. Front contre front, national front versus le troisième front. Faut pas flairon, soldats font son sourcil, c'est front. J'parle au bois et c'est front, franchement, la troisième guerre se passe maintenant. Front contre front, national front versus le troisième front. Faut pas flairon, soldats font son sourcil, c'est front. J'parle au bois et c'est front, 98, la troisième guerre se passe maintenant. Front contre front, national front versus le troisième front. Faut pas flairon, soldats font son sourcil, c'est front. J'parle au bois et c'est franchement, la troisième guerre.